Syriens. Et parmi elles, près de 18 000 sont mortes en détention suite à des maltraitances ou à des mutilations. Ça fait quand même 300 prisonniers par mois en moyenne, donc 10 par jour. On ne s'étonnera donc pas d'apprendre que les conditions de détention de tous ces gens, soupçonnés à tort ou à raison d'être hostiles à Assad, sont qualifiées d'inhumaines par Amnesty. Les cellules surpeuplées forcent parfois les gens à dormir à tour de rôle ou alors accroupis. À ça s'ajoutent des joyeusetés comme la gale, les poux, les maladies, les soins médicaux étant bien évidemment refusés aux détenus. Amnesty appelle donc la communauté internationale à placer ces violations des droits humains en tête des priorités dans les discussions avec les autorités comme avec les groupes armés. D'autant que la situation pourrait être pire encore, des dizaines de milliers de personnes ayant disparu dans les centres de détention. Décidément, les chercheurs belges engagés dans la lutte contre le cancer sont très précieux. Il y a quelques jours, je vous parlais d'une avancée importante réalisée à l'UCL. Eh bien, à la KUL, les collègues flamands de nos scientifiques ne sont pas en reste, puisqu'ils viennent de découvrir que le manque d'oxygène dans les cellules cancéreuses favorisait leur prolifération. Et ils ont constaté qu'un apport en oxygène pouvait contrer le développement du cancer. Ce qui ouvre évidemment la voie à la mise au point de nouveaux traitements. Alors si la Belgique ne reçoit pas bientôt le prix Nobel de médecine, on pourra parler d'injustice. Un sentiment d'injustice qui anime certains athlètes présents à Rio à l'occasion des Jeux Olympiques, mais sûrement pas la lutteuse japonaise Kaori Icho. Elle est entrée dans l'histoire l'année dernière en devenant la première pratiquante de son sport à remporter 4 médailles d'or d'affilée au JO. Et puis toujours chez les femmes, réaliser le doublé 100-200 mètres en athlétisme, comme vient de le faire la Jamaïcaine Helen Thompson, c'est déjà arrivé bien sûr, mais la dernière fois c'était quand même en 1988 chez les hommes. Par contre, ça se produit à chaque jeu, en tout cas depuis le début de l'ère Usain Bolt. Bolt qui s'est facilement qualifié pour la finale du 200 après avoir gagné l'or sur l'hectomètre. Notez enfin que la finale entre la Belgique et l'Argentine en hockey sur gazon, c'est ce soir à 22h. Même qu'on peut se demander si Eddy Merckx supportera bien les Red Lions, vu que son petit-fils jouera le match, mais dans les rangs argentins. Ouais, sa fille a épousé l'ex-tennisman argentin Eduardo Masso, d'où cette situation cocasse. Et le jeune Luca, réserviste jusqu'à présent, sera bien de la partie en raison de plusieurs forfaits. Fun. Fun Radio. Avant le Sarah Salov, on fait un point sur la météo, Carlo. Il a fait beau aujourd'hui, c'est bien, ça va continuer Demain matin seulement, après retour des nuages et de la pluie, en principe, toute la Belgique devrait être concernée. Bon, c'est pas de la grosse pluie non plus, mais quand même. Voilà, avec des températures toujours comprises entre 21 et 25 degrés. Je vous retrouve dans une heure et vous laisse avec David et le son de, j'en sais rien. Alex Germis. Alex Germis, ouais. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. L'émission qui fait dabé entre 17h et 20h. C'est que du fun sur Fun Radio. Sometimes it's hard just trying to hold on. To get up on myself, I can find a way to hide all the dreams I fell so far. Hey, I know. To get up on myself, I can find a way to hide all the dreams I fell so far away. Far away. Cause I won't fall apart if you keep on living for today. bon après-midi sur Fun Radio avec le son d'Era et Streffy. C'est le moment de râler et de lover. On commence par Kaufman qui a lové. Bah oui, je vous parlais d'un accouchement en plein vol. C'est une petite fille impatiente hein, qui a vu le jour, puisque sa maman, enceinte de 7 mois, ne ressentait encore aucune douleur en montant dans l'avion qui reliait Dubaï à Manille. Ouais. Elle a pourtant accouché après 4 heures de vol. Et le truc super sympa là-dedans, c'est que la compagnie aérienne a offert au nouveau-né une vie entière de vol gratuit. Wow. Oh, sympa ça la compagnie, dis donc. Moi j'ai volé, j'ai lové, pardon, et seul petit regret, bah, c'est que j'aurais voulu naître dans un avion. C'est formidable. Toute sa vie, il aura tous les vols gratuits. C'est énorme. En l'occurrence, c'est elle. Ah, c'est elle. Ok. Oh, c'est magnifique quand même comme cadeau. Je trouve c'est un très beau cadeau. Ça coûte très cher comme cadeau. Ah oui, surtout que bon, Dubaï Manille, ça reste l'Inde. Mais à mon avis, si tu prends des vols internationaux chaque semaine, ça peut te coûter la blinde. Ça coûte la blinde. Toi, Laurence, tu as râlé. Hein. Ben oui, sur une jeune femme chinoise qui est tombée enceinte en février 2015. Donc jusqu'ici, ça va, rien d'anormal. Ouais, normal. Si ce n'est qu'en fait, elle n'a toujours pas accouché. Février 2015, on est quoi là? On est le 18 août 2016. Ah, 2016 ou 2016? Vous avez plus de 9 mois, donc ça fait 18 mois qu'elle est enceinte. Non, mais non, c'est pas possible. Je ça. Te jure que oui. Ce n'est pas possible. Je te jure. Bah, tout le monde pensait comme toi, tout le monde, c'est pas possible. Bah, c'est une blague, elle nous ment. Eh ben, absolument pas. Elle a sorti des documents officiels, elle est toujours bien enceinte et elle va se faire opérer d'une césarienne très très bientôt. Heureusement, le bébé et la maman vont très très bien. Mais moi, ce qui me fait râler, c'est que déjà, nous les femmes, bah, on doit subir les nausées, les kilos en trop ouais. Et voilà, la grossesse tout simplement. Et en plus, si la grossesse commence en plus à se rallonger, franchement, les gars, plus de raison de vous plaindre de quoi que ce soit. Vous êtes vrai. Très bien lotis. Hein. Mais j'imagine au bout de 9 mois déjà le ventre. Mais c'est alors, ça. Au bout de 18 mois, le ventre doit encore être doublé. Non, ça stagne. Ça stagne. J'espère pour elle parce que sinon, apparemment, on l'appelle la montgolfière là-bas. C'est ce qu'on dit. Pour la suite, ça se passe avec le combien ça coûte. On a plein de cadeaux à faire gagner, Kaufman. Oui, on est venu avec des goodies jeux vidéo cette dernière semaine de l'émission. Donc forcément, on déstocke. On a également. On a quoi? On a des goodies. Des jeux vidéo, ouais. Des goodies et encore plein de trucs à vous filer. Ça se passe dans quelques instants, n'est-ce pas? Oui, ça se passe dans le combien ça coûte juste après. Era et Streffy avec Bonbon en ensemble jusqu'à 20h. C'est que du fun sur Fun Radio. Then this is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. It's your chitty, dun, dun, dun. Bun, bun. Then this is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. It's your chitty, dun, dun, dun. Sen parası se ta kish. Fëm drëgu që më më kërë prish e prish. Kjo mund si jo më anej. Se kur ftof një her, jo më nuk e ndzej. Vous écoutez Fun Radio. Fun Radio. C'est Maître Gims qui débarque sur Fun Radio. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Allez, place au combien ça coûte. Le principe est simple, j'ai un prix en tête et au 63,22, 1 euro par message. Vous devinez à quoi il correspond pour gagner des jeux vidéo, des packs fun, des goodies collector. Il nous reste 2 jours, donc on liquide tout, si j'ai bien compris, Kaufman. Ah oui, c'est sûr qu'on va se régaler, on va vous régaler jusqu'à demain, vendredi 20h, où on passera le flambeau à la Pior qui revient en force, en grande force, lundi 22 août. Je pense que l'équipe est au complet déjà. Ah oui, c'est vrai, ils sont en très très grande forme. Le prix du jour, 300 euros. Laurence Kaufman, vous posez des questions pour deviner la bonne réponse. Laurence, une question ? Alors, est-ce que c'est un accessoire de mode ? Accessoire de mode ? Non. Est-ce que c'est un objet professionnel ? Objet professionnel ? Non. Est-ce qu'on peut l'acheter au supermarché ? Non. Est-ce que ça se trouve dans une pièce de la maison ? Oui. Est-ce que ça se trouve dans la cuisine ? Non. Dans le salon ? Non. Bah, oui, non. Est-ce que ça se trouve à la cave ? Non. La chambre à coucher ? Non. À la salle de bain ? Non. Dans les toilettes ? Non. Au grenier ? Non. Tu te fous de notre tronche, là ? Non. Non, non, non. D'accord. Il manque une pièce dans la maison. Mais une pièce, on l'a pas tous, hein, la pièce dans la maison. C'est une pièce un peu spéciale, hein. Ah, est-ce que ça serait le dressing room ? Non. Est-ce que c'est dans la salle de jeu ? Oui. Ah, est-ce que c'est un jouet ? Un grand jouet. Est-ce que c'est lié au sport ? Non. Oui, non. Oui, non. Est-ce que les grands comme les petits peuvent y jouer ? Non, c'est les grands. Est-ce que ça peut se jouer entre amis ? Entre amis, oui. Est-ce que c'est électronique ? Non. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. On a plein de cadeaux à vous faire gagner. Une question, Laurence ? Est-ce que ça fait du bruit ? Ça fait du bruit ? Ouais, vite fait. Est-ce que ça a un rapport avec les jeux vidéo ? Non.

La suite du son dance floor, ça se passe avec Madden. Dans quelques minutes, tu auras le Fun Game avec Kaufman. Ah oui, vous savez que la Gamescom a démarré hier. La Gamescom, ouais, qui est le plus grand salon européen consacré aux jeux vidéo. Elle vous a ramené quelques informations intéressantes de ce salon. Et on a aussi le Wave Karting, où vous pouvez gagner deux places pour aller faire du Wave Karting avec les animateurs de Fun Radio. Pour cela, vous envoyez MER, M-E-R, au 63-22. Là, c'est le Fun Beauty de Laurence. On est au taquet, on est prêt, on est jeudi, c'est tranquille. Toutes les nouveautés beauté dans le Fun Beauty avec Laurence. Et lait de coco aujourd'hui. L'eau de coco. Ah, l'eau de coco. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas pareil, ok. Mais question d'abord, c'est quoi votre boisson préférée à vous, les gars? Notre boisson préférée, moi je dirais Tropico. Et moi, l'Ice Tea. Et toi, l'Ice Tea, Kaufman? Ouais. Ah, t'es plus Ice Tea, toi? Ouais. Bois, attends. Ice Tea, t'es sûr de toi, hein? Ouais. T'as pas de coca devant toi, toi? Si. Ah, merci. Mais ça n'empêche que ma boisson préférée, ça peut être l'Ice Tea. Je te vois toujours avec du coca pourtant. Bah oui, mais l'Ice Tea, je le prends normal. Ah, ok. Et non, ça contient trop de sucre. C'est pour ça. Alors, c'est quoi la boisson? C'est pas grave, un coca Ice Tea, vous êtes pas à la mode du tout. C'est l'autre coco qu'il faut boire et c'est pas manqué, ce sont les stars. Parce que voilà, Rihanna, elle en boit, Jessica Alba, elle en boit, Madonna, elles en boivent toutes. De l'eau de coco? Ouais, de l'eau. Mais ça donne la diarrhée, l'eau de coco. C'est vrai. Ah, c'est testé, pas approuvé apparemment chez Kaufman. C'est indigeste. T'as déjà goûté? Ah oui, bien sûr. Et ça a quel goût? Ça a le goût de coco? T'achètes ça en brique, comme une brique de lait, ouais, sauf que c'est de l'eau de coco dedans. Et je peux t'assurer que si tu bois ça une journée, tes toilettes s'en souviendront. Hein. Ah, sympa, faire une blague comme ça, j'ai fait une blague comme ça avec ça. Ah, mais c'est ça, c'était pas stipulé. Rihanna me l'a pas dit, perso, mais bon, apparemment, voilà. En fait, ça fait que 2 ans que l'eau de coco est vraiment arrivée en Europe. Et ça fait vraiment un tapas. Parce que, en fait, les ventes ont augmenté de 180% dans les supermarchés. Ouais. Mais pourquoi l'eau de coco? Parce qu'apparemment, bon, apparemment, Kaufman, ça n'a pas les mêmes effets. Mais en fait, c'est hydratant, c'est pauvre en sucre. Et c'est riche en minéraux. Ah oui, ok, donc, sympa. Donc les stars, voilà, elles disent que c'est vraiment absolument extraordinaire. Mais en fait, une nutritionniste s'est pensée sur le sujet. Ouais. Hein, et elle a dit qu'en fait, c'était pas totalement vrai et que c'était ni plus ni moins que de l'eau, tout simplement, avec un peu plus de minéraux. Mais vraiment, c'est rien d'exceptionnel. C'est de l'eau avec un peu plus de minéraux. Et donc, à part faire pipi et chez Kaufman des autres trucs, eh ben, ça fait pas grand chose. Bah oui, je pense que ça fait pas grand chose, l'eau de coco, non, au final. Ça fait pas grand chose. Eh bien, tu sais quoi, demain pour la dernière émission, je vais t'amener. Non. Bah quoi, une bouteille d'eau de coco? Mais je vais pas boire la bouteille d'eau de coco. Bah si. Non, bah et tu verras ta soirée, tu penseras à moi. C'est gentil, merci Kaufman pour le cadeau. Dans quelques minutes, on vous offre des places pour aller faire du wave karting avec les animateurs de Fun Radio. Oui, on va vous offrir une journée exceptionnelle à Zeebruges, le wave karting que vous pourrez essayer, que vous pourrez tester. C'est une exclusivité Fun Radio. Vous pouvez commencer déjà à jouer. Vous envoyez MER au 6322 pour 1€ le message. Et à vous la journée de rêve, de détente et de fun avec les animateurs. Mais ça sera juste après Madden et Golden Like, c'est que du fun. We met a summer night and I held you tight in the golden light. And ever since that time I've been burning bright, fire deep inside. I just wanna feel your love, I need your love. Wake me back to life. Give me one more night and I hold you tight. The golden light, in the golden light, in the golden light, in the golden light, in the golden light. I just wanna feel your love. I just wanna feel your love. Belle journée avec Fun Radio et le son de Deoro. On vous offre des places pour aller faire du wave karting. Le wave karting, c'est une activité unique qu'on vous propose de gagner cette semaine. Et il reste deux jours là à nous faire gagner. Donc allez-y, deux jours pour aller gagner vos places pour aller faire du wave karting. Si vous êtes à la recherche de sensations ou de vues imprenables, c'est vraiment pour vous. Vous montez à bord d'un engin qui est entre le bateau et le jet ski. Et là, c'est parti pour découvrir la mer du Nord. On l'a fait autour de la table. Laurence l'a fait. Kaufman l'a fait. Je l'ai fait. Il y a même la vidéo qui est disponible sur le Facebook de Fun Radio. Vous pouvez aller voir ça. C'est vraiment une super activité qu'on vous propose. Allez avoir en plus la mer du Nord en face de vous. Il y a un super paysage. Vraiment, j'ai vraiment kiffé le paysage, moi, même si ça allait un petit peu vite, hein, on peut le dire. Hein. Moi, c'est Laurence qui conduisait. Elle allait un peu à 50 km/h. En plus, il y avait Kaufman à côté qui me regardait, qui me disait « Oh, tu vas pas assez vite. » Alors, on augmentait encore le truc. C'était une tanaste complet, ce truc-là. Mais c'est vraiment un kiff à faire entre amis. On vous offre deux places. Pour les gagner, c'est très simple. Vous envoyez mer, M-E-R, au 6322. Mer, M-E-R, au 6322. C'est 1 € par message. Kaufman, quelque chose à rajouter ? Non. Tu l'as bien dit. Merci. Tu as été malade lors de la traversée et on a bien rigolé à te regarder. Ah oui, Laurence, quand même, se foutait de ma gueule à la fin. Mais le plus dur, en fait, pour moi, ça a été, je vais vous le dire, le plus dur, ça n'a pas été d'être sur le bateau. Le plus dur, c'était de descendre du bateau. Ah non, non, non, de monter, de monter sur le bateau. Ah oui, de monter. Quand même. Parce qu'en fait, on est sur une sorte de quoi, un ponton. Voilà. Exactement. Et il faut monter sur un petit bateau, donc du ponton. Et un peu plus bas. Voilà, faut sauter sur le bateau, tu vois. Bah, comme tout le monde fait, oui. Exactement. Sauf que moi, je n'y arrive pas. J'arrive pas à faire ça. Tu as failli tomber, toi. Oui, c'est vrai, j'ai failli tomber dans la mer. Voilà, pour gagner vos places, vous avez MR, MER au 63-22. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le Fun Game, Kaufman. Oui, la Gamescom est en train de se dérouler en Allemagne et on y est en direct avec des journalistes spécialisés qui nous transmettent les infos en temps réel, ce qui va nous permettre encore une fois de vous donner quelques infos exclusives. On évoque ça juste après Deoro sur Fun Radio. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Ah, pour moi, un... Oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui. Moi aussi, mettez-moi un... Bien, donc, trois... Il y a un problème? Ouais, comment ça s'écrit? Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Après avoir traversé un désert, affronté une tempête musicale, et devancé Neil Armstrong, Tintin est de retour à Bruxelles avec la STIB. Dès le 25 juillet, découvrez les cartes Moby Basic Tintin en boutique et kiosque à l'achat de 10 voyages. Dépêchez-vous, c'est une édition limitée. Bruxelles, c'est nous tous, la STIB. Ce sont les semaines du marché chez Lidl, avec des promotions spectaculaires sur nos fruits. Maintenant, 33% de réduction sur les pastèques, soit 1,99€ pièce. Donnez ces bonnes pastèques à vos enfants maintenant. Parce que plus tard, ils seront plus pastis que pastèques. Les produits frais de chez Lidl, pour tout ce qui compte. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Et c'est parti! Mais enfin, le tour vient à peine de commencer. Jeanine ? Ouais ? C'est toi qui as débranché la prise de manège ? Bah oui, pour recharger mon GSM. La batterie se décharge tout le temps. Pour un GSM plus performant, profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Fun Radio. Fun Radio. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying fire. And I'd do anything you want me to when we're in paradise. I'll see you on the other side where it's alright.

Dans un instant, c'est les meilleurs moments de la Power. Avec Audrey, là, on s'intéresse aux jeux vidéo dans le Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Info exclusive, alors. Oui, on est en direct avec l'Allemagne qui nous transmet au fur et à mesure les informations provenant de la Gamescom, qui est le plus grand salon européen consacré aux jeux vidéo. Et on a une information sur une console, la Xbox One Scorpio, qui marque carrément la fin d'une génération et le début d'une nouvelle ère. Je m'explique. Il y a quelques mois, eh bien Microsoft a annoncé une nouvelle console pour le moins surprenante. Pour l'instant connue sous le nom de Project Scorpio, cette machine bien plus puissante permettra à certains jeux d'être affichés d'une meilleure manière, mais également de profiter d'une expérience VR, donc de réalité virtuelle, de très haute qualité. Un choix jugé quand même risqué, mais nécessaire. Pourquoi risqué, je m'explique. Parce que Microsoft a vraisemblablement l'intention de ne plus sortir de nouvelles consoles, mais bien d'upgrader, donc de mettre à jour au fur et à mesure le matériel existant dans la console. Donc ils vont changer que les matériaux dans la console, mais il faudra pas racheter forcément la console. Apparemment, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de nous dire, puisque annoncée pour la fin 2017, la Xbox One Scorpio, c'est comme ça qu'elle s'appelle pour le moment, arrivera seulement 4 petites années après la sortie de la Xbox One. Ouais, bien sûr. Et donc ils essayent de casser le rythme qui est de, en fait, tous les 7, 8, 10 ans sortir une nouvelle console, pour justement mettre à jour le matériel de la précédente. Ok, c'est intéressant comme concept ou pas ? Est-ce que c'est bien ? C'est risqué, parce que je sais pas si PlayStation et Sony vont suivre le rythme, mais si par exemple l'un des deux sort une nouvelle console et que l'autre pas, bah forcément tous les regards et tous les porte-monnaies vont se tourner vers celui qui sort la nouvelle console, puisqu'on promet toujours plus de choses qu'une simple mise à jour lorsqu'on sort une nouvelle console. Très risqué ça, hein, quand même, comme truc. C'est un pari sur l'avenir, mais la Xbox One Scorpio est annoncée, est déjà en production. On l'annonce à peu près 3 fois plus puissante que les consoles qui sont actuellement dans nos salons. Et c'est un pari intéressant, parce que qui ne tente rien n'a rien. Et voilà. Sauf que là, je pense que la Xbox, déjà, se vend pas très très très bien. En Belgique, pas des masses, mais aux États-Unis quand même pas mal. Ah, ok, d'accord. Excusez-moi. C'est vrai qu'on vit en Belgique. C'est ça. Dans une heure, on évoque quoi ? On évoquera des informations exclusives sur le dernier, sur le prochain, plutôt Call of Duty Infinite Warfare, qui varie les plaisirs. Le son d'Explore à suivre, c'est avec Sigala. Et là, c'est les meilleurs moments de la Power avec Audrey. Écoutez. Ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Bon, maintenant, c'est l'heure de faire ce que je préfère, je crois, dans cette émission. L'appel bourré de Fab. Fab, t'as encore appelé quelqu'un en mode bourrasse. C'est qui t'a ennuyé aujourd'hui? C'est pas ma musique, ça. Qu'est-ce qu'il fait? T'es vu, toi? Alors, non, parce que j'ai vu, il y a un restaurant. Ouais. Il s'appelle Les Larmes du Tigre. Il y a un resto qui s'appelle Les Larmes du Tigre. Alors, moi, j'aime bien les tigres. Ouais. Je veux savoir pourquoi il est triste. Ok, ça donne ça. Pas ma musique. Non, ça marche pas non plus. Bah alors, c'est quoi ce bordel? Vas-y, attends. La console qui plante. Abracadabra, j'appelle l'appel bourré de Fab. Et voilà. Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Je suis bien, c'est Les Larmes du Tigre. Oui, Les Larmes du Tigre, oui. Eh ben, je voudrais savoir pourquoi il est triste, le tigre. Pourquoi qu'il pleure? Pardon? Ben, à quelle heure? Non, c'est pas dit à quelle heure. J'ai dit le tigre. S'il a des larmes, c'est qu'il est triste. Alors moi, j'aime bien les tigres, je veux savoir pourquoi le tigre, il est triste. Pas compris. À emporter ou pour réserver? Non, je veux voir comment il va, le tigre. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Pourquoi il est triste, le tigre? Le patron? Le tigre. C'est le patron, le tigre? Vous voulez parler au patron? Non, je veux savoir comment il va, votre tigre. Pourquoi il est triste, le tigre? On n'a pas de tigre, monsieur. On n'a pas de tigre. Mais le restaurant, il s'appelle Les Larmes du Tigre, monsieur. Oui, c'est ça, Les Larmes du Tigre. Voilà, si le tigre, il pleure, c'est parce qu'il est triste. Moi, je veux l'aider, le tigre. Vous comprenez? Moi, j'aime bien les animaux. Non, monsieur, le tigre, il va bien. Je prends une table ou je raccroche? Bah, quoi? Non, mais non, je veux pas raccrocher. Moi, je veux savoir comment il va, le tigre. Pourquoi il pleure? C'est parce que c'est piquant chez vous? On a des plats piquants, des plats pas piquants. Oui, mais il faut pas donner du piquant au tigre, hein, parce qu'après il va continuer à pleurer, monsieur. Écoutez, je pense que c'est. Je voulais pas de table. Non, je veux venir voir le tigre. Non, on ne vend pas tout ça. Non, je veux pas acheter. Hein, je veux d'abord venir le voir. C'est une blague. C'est pas. Écoutez, monsieur, rappelez si vous voulez une table et on a des tables ce soir s'il faut, mais je vais vous laisser, d'accord? Non, dites-moi d'abord comment il va. Est-ce qu'il va bien? Attendez. Je sais même pas comment il s'appelle, le tigre, monsieur. Oui, je vais voir. Je vais voir. Il va voir. Il a raccroché, enfoiré. Je vais rappeler. Allô? Coupez, monsieur, parce qu'il ne sait toujours pas comment il va, le tigre. C'est vous, le monsieur de tout à l'heure. Écoutez, je vais vous laisser, c'est une dague. Non. C'est le nom, le tigre, restaurant. Il n'est pas triste, alors il va bien? Non, nous, tout le monde va bien. Voilà. Je suis rassuré, ça va. Eh ben, vous venez à quelle heure? Ce soir, je ne sais pas quand encore. D'abord, je vais aller boire un verre. Et Fab. Monsieur Fab. F-A-B. P-H-A-B. Ouais, si vous voulez. D'accord, combien de personnes? Je viens tout seul. Vous mettez le tigre avec moi à table alors, comme ça je mange pas tout seul. Non, c'est pas possible, monsieur. Je mets une personne. Voilà. Je vais monsieur Pab, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah ben voilà, Fab, t'es rassuré, le tigre il va bien. Il va bien. Ah ben voilà. Il va monter avec lui ce soir. C'est parfait. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. C'est le son qui débarque sur Fun Radio. Ça va râler, ça va lever dans quelques minutes. Laurence, tu vas lever sur quoi? Exact, sur des boîtes de pizza qu'il ne faudra plus jeter. Ok, très bien. Kaufman, toi tu vas râler? Ah bah oui, je vais vous dire de faire gaffe à ce que vous postez sur Facebook car ça pourrait très vite se retourner contre vous. On en parle après les infos. Fun Radio. Il est 18h, les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, salut à tous. Les vacances, c'est presque fini, mais pas encore tout à fait. Hein. Il nous reste encore un dernier chassé-croisé estival sur les routes européennes, avec une grande vague de départ et de retour. Ce samedi est classé rouge dans les deux sens, en France bien sûr, ainsi qu'en Autriche et en Suisse. Et nous, le code sera orange ce jour-là dans le sens des départs. Il faut notamment s'attendre à une grosse circulation en direction de la mer demain après-midi déjà et samedi matin. Voilà, et dans quelques jours, je serai amené à utiliser régulièrement un mot qu'on aime généralement pas trop, à savoir rentrer. Cette rentrée est déjà une réalité pour les ministres wallons qui se sont retrouvés aujourd'hui, mais pour une simple reprise de contact. Hein, la vraie rentrée, ce sera pour septembre, avec au programme la confection du budget 2017, un grand classique et très classiquement aussi. Il va falloir faire de nouvelles économies. Il est également en question de tax shift, avec notamment une possible suppression de la télé-redevance. Mais à ce moment-là, il va falloir trouver l'argent perdu ailleurs. Autre gros dossier, la réforme des allocations familiales. On devrait se diriger vers un montant identique pour chaque enfant, ce qui veut dire une plus grosse somme pour le premier bébé de la famille. On reste en Wallonie avec le coup de gueule poussé par l'ASBL Terre qui récolte des vêtements usagés pour les recycler. Le problème, c'est que dans les bulles à vêtements, on ne trouve plus seulement de vieilles fringues, mais des déchets en tout genre, boîtes de conserve, bouteilles de verre cassées et même des animaux morts. Un phénomène qui a vu le jour à Charleroi, mais se propage dans le reste de la Wallonie. Alors question, pourquoi est-ce que les gens deviennent subitement de gros dégueulasses qui ne respectent rien? Mais d'après le directeur d'un dépôt de l'ASBL, c'est sans doute dû à la poubelle à puce. Taxer les gens sur leurs déchets, c'est bien, ça les oblige à faire des efforts. Sauf qu'il y en a qui n'ont pas envie d'en faire et qui n'ont pas envie de douiller non plus. Et donc, ils se débarrassent de leurs déchets n'importe où, y compris donc dans des bulles à vêtements. L'esprit civique se perd, ma bonne dame, et c'est rien de le dire. En Turquie, il est beaucoup question de la tentative de putsch d'il y a un petit peu plus d'un mois, mais ce pays doit également et régulièrement affronter le terrorisme islamiste ou kurde. Et c'est justement à la rébellion kurde qui a attribué l'attentat qui vient de faire 3 morts à Elazig, dans l'est du pays. Une attaque à la voiture piégée visant le siège de la police. Une attaque similaire a tué deux policiers et un civil la nuit dernière à Van, plus à l'est encore. Enfin, en football, le Sporting d'Anderlecht dispute ce soir les barrages allés de l'Europa League en déplacement au Slavia Prague, en espérant que les Mauves franchiront l'obstacle tchèque, hein, sans quoi leur saison européenne serait terminée avant même la fin du mois d'août, ce serait dommage. Deux autres équipes belges sont concernées par ces barrages, la Gantoise qui accueille un club macédonien, pas insurmontable a priori, et Genk qui se rend à Zagreb en Croatie. Dans quelques minutes, le Saral Salove, là, on fait un point sur la météo. Carlo, quel temps pour demain? Écoute, ça a bien commencé, ça a mal se terminer avec les nuages. J'ai quelques ondées un petit peu partout sur le pays. Les températures sont comprises entre 20 et 24 degrés, mais j'ai vu les perspectives pour la semaine prochaine. Elles s'annoncent estivales, hein, avec du beau soleil. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie de David et du son de Boosty. Salut. Fun Radio. Fun Radio. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. C'est que du fun. 17h-20h sur Fun Radio. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feet are on like water. Je me balade dans la rue de ma ville, je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. vide. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Hein? Non, j'ai pas une vie droite, mais pourtant mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feel it on like water. Je ne serai plus jamais seul, tout ne sera plus jamais seul. Et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. La suite du son dance floor, ça se passe avec Duxus. Et au 3044, il y a Marine qui nous envoie un message. Hello la team, j'ai trop besoin de votre aide parce que mon frère se marie dans une semaine et je n'ai toujours pas trouvé de cadeau pour lui, sa future femme. Help me, je vous aime Marine. Laurence, une idée de cadeau pour aider? Marine, moi je te conseille un city trip. City ça trip. Fait toujours plaisir, c'est efficace et après le mariage, moi, je trouve ça nickel. Kaufman, une idée de cadeau? Ah oui, une très bonne idée de cadeau, qu'elle mette de l'argent de côté pour l'avocat, hein, pour le divorce. Il voit toujours négatif. Mouais. Allez Laurence, ça râle, ça love et on commence par toi parce que t'as lové. Bah ouais, parce qu'en fait la boîte de pizza, on l'adore quand on va la chercher. Ouais. Mais après, quand elle est vide, on s'en fout. Ça prend de la place, c'est crado, on a envie de l'acheter. Mais là, Pizza Hut a décidé de changer les choses. On ne va plus la jeter et on va en fait faire les DJ avec. Non, les DJ avec quoi? Bah avec la boîte. Avec la boîte de pizza. La boîte en carton. Exactement. C'est pas possible ça. Bah si, c'est possible. Tu démontes la boîte et en fait, t'as des platines qui apparaissent et t'as tous les boutons. T'as les boutons marche, arrêt, augmenter le son et tout. Et ça fonctionne parfaitement parce qu'en fait, c'est un magasin spécialiste en équipement électronique qui a décidé de sauter le pas avec Pizza Hut. Et donc, du coup, malheureusement, c'est disponible qu'en Angleterre. Ah, ok. Ça va peut-être bientôt venir chez nous. Ouais. Et moi, j'ai levé parce que enfin, les boîtes de pizza ont une utilité. Le seul petit inconvénient de ce système, c'est que tu retrouves souvent des morceaux d'anchois coincés dans le bouton. ça passe plus. Kaufman, toi, t'as râlé. Hein. Bah oui, elle s'appelle Tania Prosser. Elle a une drôle de surprise lorsqu'elle a découvert il y a quelques jours que ses photos publiées sur Facebook étaient également publiées sur un site porno. Ouh la mince. Et oui, la jeune femme se sent actuellement exploitée. Et pire encore, la jeune femme de 18 ans a même découvert que ces clichés très demandés sur ce site pour adultes permettent aux internautes de gagner des points bonus lorsqu'ils votent pour elle. Ouais. Elle a évidemment essayé de faire retirer ses photos, mais elle n'y arrive pas. Aïe, aïe, aïe. Et donc moi, ça me fait râler. Faites attention à ce que vous postez sur Facebook. Vérifiez la confidentialité de vos photos. Ouais. Car après, ça m'évitera de râler ici. Moi. On peut changer ça. Ah bien sûr. Ah bon, je savais pas comment on fait. Bah je te montrerai. Merci, c'est gentil. Il y a un petit bouton qui s'appelle confidentialité. Ah d'accord, ok, merci. Voilà, c'est bien. On l'apprend comme ça sur Facebook. On peut le montrer à qui on veut les photos. Hein. C'est bien ça. On peut montrer qu'à la famille, par exemple. Aux amis, même qu'à toi, il y a même une option, il est marqué moi uniquement. Bah, ça ne sert pas à grand chose, mais bon. On a des places de cinéma à vous faire gagner, Kaufman. Ah oui, le dernier film avec Jimmy Labeu qui s'intitule Le Correspondant. Ouais. Ah, il a débuté ici à Fun Radio, Jimmy Labeu. Il revient au ciné avec qui d'ailleurs? Il revient avec Charles Sylvie Berling Tessu, ouais. Et Sylvie Testu. On a des places à vous filer pour ce faire. Vous envoyez ciné au 6322. On en parle d'après Daxos sur Fun Radio. Streisand. Barbra Streisand.

Et là, on a des places à vous offrir pour l'avant-première du film Le Correspondant. Le Correspondant, c'est avec Jimmy Labeu. Vous connaissez Jimmy Labeu autour de la table, Laurence Kaufmann? Oui. Oui, Laurence. Mais j'ai regardé en fait hier des vidéos de lui avec sa copine. Ouais. Et ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, et là, il est au cinéma. C'est la première fois, je crois, hein, qu'on le retrouve sur le grand écran. YouTuber belge, il est même passé sur Fun Radio, je crois, Kaufmann, si je dis pas de bêtises. Ah oui, il était dans la libre antenne de Vince, pour tout vous dire. YouTuber célèbre, il a commencé à piquer ses crises de colère. C'est ça qui l'a rendu célèbre sur YouTube. Et maintenant, le voici sur grand écran dans les salles obscures, dans un film avec en plus une distribution pour le moins. Jolie, très jolie. Très, très jolie, ouais. Ouais, Jimmy Labeu au cinéma avec Charles Berling, Sylvie Testu. Le film s'appelle Le Correspondant. Vous pouvez gagner donc des places pour l'avant-première. Pour cela, vous envoyez Ciné au 6322. Ciné au 6322, c'est 1€ par message. Et vous allez savoir directement si vous avez gagné les places ou pas. Là, on vous rappelle cool, pas. C'est-à-dire que vous envoyez le SMS Ciné au 6322 et vous avez directement la réponse en SMS du retour. Ouais. Donc voilà, c'est une nouvelle fonction et ça va être très bien pour vous parce que ça nous permet de pas attendre 1 heure ou 2 heures. Vous avez la réponse directement. En plus, pour l'avant-première, il sera là, vous pourrez le rencontrer. Vrai. Donc c'est plutôt un bon plan. Le Correspondant, c'est l'histoire de Jimmy Labeu qui, voyant ses copains avoir de très charmantes correspondantes venues de l'étranger, se dit qu'il va avoir la même idée. Sauf que vous vous doutez bien que pour lui, ça va pas être la même chose. Il va piocher une correspondante allemande qui, pour le moins, atypique, on va dire. Atypique, je crois que c'est le mot atypique, effectivement. C'est un film vraiment très, très, très drôle. Vous allez bien vous amuser en compagnie de Jimmy Labeu. Pour les gagner, vous envoyez donc Ciné au 6322. Pour la suite de l'émission, il y aura le Fun Game avec Kaufmann. Oui, on parlera du nouveau Call of Duty Infinite Warfare qui variera les plaisirs, des informations exclusives en provenance du plus grand salon européen consacré aux jeux vidéo, à savoir la Gamescom. Il y aura aussi le Topito, le top 5 des expressions basées sur un prénom. Et il y a des expressions très, très, très drôles. Et le son dancefloor, ça se passe avec Mom sur Fun Radio. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Ah, pour moi, un... Oh oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi, ce sera un... Ah oui. Moi aussi, mettez-moi un... Bien, donc, 3... Y a un problème? Ouais, comment ça s'écrit? tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Un PC très lent, ça rend très vite fou. Profitez donc très vite de nos super deals sur le plus grand assortiment de PC portables, d'ordi 2 en 1, de smartphones et plus encore. C'est uniquement maintenant dans nos magasins et sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. Comment bien manger quand on n'a pas de verger? Chez Deleuze, les prunes sont enfin arrivées. Les rouges, super bonnes à croquer. Les jaunes, si juteuses. Les reines claudes bien sucrées. Et les présidents, idéal pour la cuisson. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Jusqu'au 24 août, elles sont à moins 30% le kilo. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Fun Radio. Fun Radio. It's a strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm ever heated, it's heartache through and through. There's something the way you move, I don't know what it is you do. Now I'm rolling your body, good enough for me. But this heart is open, blasting on my sleeve. When our eyes meet, I can only see the end. But tonight, I'm here, yours again. But tonight, I'm gonna lose it all. Playing with

Bon courage, si vous êtes sur la route, le son d'Explore continue avec Cachemire. Dans quelques minutes, on vous offre des places pour aller faire du wave karting. Il y aura aussi le Fun Game avec Kaufman, on évoquera. On évoquera encore l'actu des jeux vidéo à Cologne. Et cette fois-ci, on s'intéressera au prochain Call of Duty, Call of Duty Infinite Warfare. La place au top 5 des expressions basées sur un prénom. Cinquième position, faire sa Joséphine. Ça veut dire quoi à votre avis, Laurence? Sa paresseuse. Toi c'est pour ouais, faire sa paresseuse, ok, Kaufman. Faire sa mijaurée. Faire sa mijaurée, effectivement, bonne réponse de Kaufman. Tu connais l'expression? Oui. Ah ok, mais je connaissais pas. Bah, je t'ai dit plein de fois que tu faisais ta Joséphine. Quatrième position, fesse Mathieu. À votre avis, ça veut dire quoi, fesse Mathieu? Fesse Mathieu. Fesse Mathieu. Fesse Mathieu. Vous prenez le prénom Mathieu, vous prenez vos fesses, vous collez les deux. Okay. Fesse Mathieu. Et ça fait une expression. Ça fait une expression, effectivement. Kaufman. C'est pas des fesses en forme de quelque chose? Tu veux dire quoi par exemple? Je sais pas, en poire. En poire, des fesses en poire pour toi, ok. C'est un truc genre souhaiter bonne chance, comme ça, non? Non, du tout. Ça veut dire être radin. Quand t'es fesse Mathieu, t'es radin. Ah, t'es un petit peu fesse Mathieu, ça veut dire que t'es radin. D'accord. Voilà. Troisième position, gros gens comme devant. Alors ça veut dire quoi? Gros gens comme devant. Kaufman, une idée? Bah, c'est dire qu'on a le cul pareil que le bide, c'est-à-dire gros. Ok, pour toi c'est d'être gros, ok. Laurence, une idée? Bah, ça allait plus vite. Aller plus vite pour toi? Non. C'est avoir eu beaucoup d'espoir et là n'avoir plus rien sur le moment présent. Ouais, mais attends, c'est un langage de 1920. Ouais. Que c'est des expressions avec des prénoms, comme d'accord, ça, votre prénom signifie quelque chose. Mais non, bien sûr qu'on dit plus ça. Deuxième position, tranquille comme Baptiste. Ça veut dire quoi pour vous, tranquille comme Baptiste? Kaufman? Je sais pas, moi, ça veut dire être tranquille, détendu, comme Baptiste, j'en connais rien, c'est un gars tranquille, tu vois. Être détendu, ok, Laurence. Mais pareil, tranquille, je sais pas. C'est n'avoir peur de rien. Quand t'es tranquille comme Baptiste, t'as peur de rien. Voilà, t'as une tête brûlée, quoi. La force tranquille, quoi. Ouais, exactement. Première position, lâcher une Louise. Ça veut dire quoi, Laurence, à ton avis? Bah, une bonne blague. Une bonne blague, ok. Péter. Pour toi, ça veut dire péter. Ouais. T'es sûr et certain? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, ça me parle, c'est tout. D'ailleurs, je connais une Louise. En ah plus. Bon. Elle fait ça. Et quand tu la lâches, je te dis pas le résultat. Et bien, effectivement, bonne réponse, Kaufman. Ça veut dire ça. Ça veut dire lâcher, effectivement, quelque chose voilà, qui sent pas très bon. Bonne réponse, Kaufman. T'es au taquet quand même sur les expressions, toi. Hein. Écoute, surtout 1920, c'est ma période. Très bien, pour la suite, on a des places à vous offrir pour aller faire du wave karting. Oui, le wave karting, si vous ne connaissez pas, c'est un mix entre le bateau et le jet ski. Oui. Vous accompagnez à Zeebrugge pour une journée totalement folle, totalement exceptionnelle. Et pour ce faire, vous envoyez mer au 6322, MER 6322 pour un euro le message. On vous souhaite bonne chance. Il y aura aussi le Fun Game et le Sundance Floor avec Cachemire. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son Dance Floor sans arrêt sur Fun Radio. C'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. Une rentrée moins chère plus une rentrée moins chère égale Cora. Tout le monde est d'accord? Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. L'émission qui fait dabé entre 17h et 20h. C'est que du fun sur Fun Radio. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a step? I'm sure you've had a lot. écoutez Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Radio, radio, radio, radio. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as Je vous propose Calvin Harris et Rihanna pour continuer le son Dance Floor. Et là, on vous offre des places pour aller faire du wave karting. Il vous reste moins de 5 minutes pour jouer avec nous. Vous envoyez MER, M-E-R au 6322, c'est 1€ par message. Et vous gagnez des places pour aller faire du wave karting. Mais le wave karting, c'est quoi? C'est la question qu'on vous pose depuis le début de semaine. Et la question, il y a une réponse. Et la réponse, c'est toujours Kaufman. Alors Kaufman, c'est quoi le wave karting? Je voulais dire que c'est la question qu'on se pose. Qu'on se pose. Qu'on leur pose. Oui, qu'on leur pose aussi. Oui. Enfin, bon, c'est une question. Enfin, le wave karting, oui. D'abord, il faut savoir que c'est pas juste faire du wave karting. On vous invite à Zeebrugge pour passer une journée totalement exceptionnelle, totalement dingue avec les animateurs de Fun Radio mais également d'autres auditeurs. Vous venez à Zeebrugge le matin, tranquille, ouais, au calme. On vous explique pendant quelques minutes en quoi consiste le wave karting, comment ça se pratique, quelles sont les mesures de sécurité, les règles de sécurité à respecter. Ensuite, vous montez sur votre machine. Il y en a qui ont du mal, hein, mais croyez-moi, c'est assez facile. Oui, c'est comme monter sur un bateau, ça flotte, il n'y a pas de problème. Ensuite, petit échauffement sur le bras de mer. Ouais, tranquille, hein. Histoire de vous mettre en jambe, de prendre votre engin bien en main. Oui, on voit très bien ce que tu veux dire, oui. Et puis, vous arrivez sur la mer et là,

entre 17h et 20h. Profitez, c'est que du fun sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Fun Radio avec le son de DJ Snake à suivre. On va découvrir qui a gagné ses places pour aller faire du wave karting et j'accueille Mélissa qui est avec nous. Salut Mélissa. Salut. Salut Mélissa. Ça va bien? Ça va bien Mélissa? Ça va bien. Ok, en pleine forme. Tu fais quoi de beau dans la vie? Moi je suis infirmière. Infirmière. Je me sens mal là, Mélissa. Ouais, j'ai un grand malade avec moi. J'ai un grand fou avec moi. Mais c'est que les enfants, donc. Mince, c'est bon aussi, je crois. Je suis un grand enfant, t'inquiète pas. Dis-moi, Mélissa, t'as envoyé quoi à 6322? Mère, on vérifie. Belle radio! Dance. Bravo, Mélissa. Tu repars avec. Deux places pour aller faire du wave karting. Oui, si tu aimes les sensations fortes, faire un peu de sport d'extrême. En plus, il y a un bobo, tu pourras soigner, c'est ça qui est cool. Eh bien, rendez-vous à Zeebruges avec les animateurs et les auditeurs de Fun Radio. On te convie pour une journée exceptionnelle. On va prolonger tes vacances en quelque sorte. Tu as déjà fait du wave karting? J'imagine que non. Non, Non, c'est la première fois, c'est super. Puis c'est quoi, je te donnerai un cours particulier, pas de problème. Quel drame, celui-ci. On va te souhaiter une... Ça va, et moi je ferai des cours de réanimation, ça va. Oh, oh, un coup de forme. On va te souhaiter quand même une bonne soirée, on se voit à Zeebrugge alors. C'est rendez-vous pris. Ça va, prix. Super. Allez, passe une à bonne Zeebrugge, soirée. Alors. On prend tes coordonnées en antenne, ne bouge surtout pas, Mélissa, ok. Bye. Merci. Bisous, bisous, Mélissa. Bye. Allez, le fun game Kaufman, il est prêt. On a encore des infos venues d'Allemagne, c'est bien ça. Arzo. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et quelle info? Oui, vous le savez, on suit minute par minute les développements du plus grand salon européen consacré aux jeux vidéo, à savoir la Gamescom. Et là, on va parler de Call of Duty, puisqu'un nouvel épisode sortira bientôt, dans quelques semaines. Il s'intitulera Call of Duty Infinite Warfare et on sait déjà qu'il va varier les plaisirs. Ce nouveau Call of Duty cherche clairement à proposer quelque chose de nouveau pour la série. Si les inspirations nous paraissent relativement évidentes, hein, ils ont été cherchés dans la série Gundam Halo, Infinite Warfare a pour le moins le mérite de tenter quelque chose de différent, ouais, en soignant d'abord le contexte, parce qu'il faut savoir que ça sera à la fois sur Terre mais également dans l'espace. C'est la première fois ça. C'est une des premières fois, il y avait déjà eu des missions sur Terre, mais où c'est aussi poussé, eh bien c'est la première fois que ça va se faire. Et puis au niveau du background et de la maniabilité, il y a beaucoup de choses qui vont changer. On n'en sait pas encore énormément sur l'instant, mais les fans de la série vont devoir, à mon avis, s'adapter, puisque le gameplay est un élément important dans un jeu de tir, c'est-à-dire qu'il faut savoir sur quel bouton appuyer pour faire telle action. Mais comme c'est dans l'espace, forcément ça va modifier pas mal de nos habitudes, puisqu'il y a de la pesanteur, par exemple les glissades se verront peut-être pas de la même manière. On attend de voir, toujours est-il qu'à la convention, à la Gamescom, donc à la convention, la plus grande convention de jeux vidéo européenne, le titre a impressionné. On attendait de voir de l'action, on a été servi. On a pu tester une mission qui mettait aux prises des soldats qui devaient faire le devoir, se sacrifier pour le bien. Et c'est ça, Call of Duty, c'est aussi un jeu vidéo qui ne se prend pas la tête. Et alors, c'est un des jeux qui fonctionne le mieux en Belgique. Ouais, et le prochain Infinite Warfare vous proposera une expérience toujours aussi immersive. Merci Kaufman pour ces infos. On a encore des infos ou pas? Avant 20h, on vous parlera de ton jeu préféré, à savoir Football Manager, qui a enfin trouvé sa date de sortie. Enfin, j'ai hâte d'entendre ça. Et pour celui du Sound Explore, ça se passe avec DJ Snake. Et là, c'est les meilleurs moments de l'Happy Hour avec Audrey. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Et on va vous dire, signe par signe, s'il y a des choses qui vous énervent. Genre le truc qui vous énerve, mais le plus, les béliers. Alors, ce qui vous énerve le plus, c'est les personnes qui trouvent des excuses à tout. Donc, ce que vous détestez le plus, c'est les avocats. Les taureaux. Vous, vous énervez devant les personnes irresponsables et radines. Et vous allez en vouloir très fort à mamie si elle vous a oublié dans l'héritage. Cancer. Alors vous, eux, ils s'énervent devant les personnes trop gentilles. Ils n'ont pas supporté dans 59 degrés que la fille, elle reçoit des claques sur les fesses, elle dise rien. Qu'elle reçoive. Oui, c'est ça. Pas reçoit, c'est pas grave. C'est pas reçu. Qu'elle reçoit, la fille, tu vois. Vas-y, qu'elle reçoit des claques. Vas-y, Barbie, chez quoi Les lions. Ils s'énervent à mort contre les personnes qui veulent prendre leur place. Tu vois, ils ont détesté le mec qui a trafiqué la caisse de Paul Walker pour lui piquer sa place dans Fast and Furious. Vierge. C'est contre les personnes qui parlent ouvertement des erreurs devant les autres. Alors, pour vous faire passer pour un incompétent. En gros, ils détestent les faillots, quoi. Les balances, ce qui les énerve le plus, c'est les gens qui se plaignent de tout. Ils détestent les personnes âgées, par contre. Les Gémeaux. Eux, ils détestent les personnes qui les accusent de choses qu'ils l'ont pas faites. Sauf s'ils sont politiciens, là, ils sont habitués. Les Scorpions. Eux, ils s'énervent contre les personnes qui posent trop de questions, un peu comme Salah Abdeslam. Oh non. T'es malade. On veut pas de problème ici, Capricorne. Eux, ils s'énervent contre les gens qui donnent des ordres alors qu'ils n'ont pas le statut pour le faire. Hashtag je suis Sandro. Merci. Comment ça tacle dans cette émission, Sagittaire? Les Sagittaires s'énervent contre les gens qui voient tout en noir. Par exemple, ils détestent Gilbert Montagnier. Oh non, mais celle-là, elle est trash, sérieux. Non, t'as pas vu celle d'après. J'ai peur, les Verseaux. Ils détestent les gens qui sont trop collants, comme Clara Morgan après une journée de travail. J'hésite même à dire les Poissons, quoi, sérieux. Non, ça va, eux s'énervent contre les personnes qui tiennent jamais leurs promesses. Ils sont toujours fâchés avec le Père Noël de pas avoir amené le bon cadeau. Bah oui, mais bon, Père Noël, il est occupé aussi. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Touch of your skin, blurring my vision, seeing the same film again. Closer you pull me under the table, a sign of how this might end. But if you don't want to hold me, maybe I could change your mind. Cause I'm waiting, hesitating, and there's other ways to Le son dance floor continue avec Imani sur Fun Radio. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le Blackjack qui a reçu le chiffre du jour, Laurence. Oui, 1m20, c'est la taille de quelque chose de plutôt insolite. À votre avis, quoi? Ben, on verra tout à l'heure. Très bien, le fun game Kaufman. Oui, on vous parlera du jeu préféré de notre ami David Barmet, Football Manager 2017. Il a toujours voulu être joueur de foot, ça n'a pas marché. Il s'est dit, je serai entraîneur de foot, ça n'a pas marché. Non plus. Le gars, il s'est retrouvé derrière un micro et puis maintenant, il joue. À Football Manager, quoi. Mais il joue avec sa petite souris, quoi. C'est exactement ça. Et on a également encore des places de ciné à vous offrir pour aller voir le film de Jimmy Labeu, entre autres. Il y a Charles Barling dans le film Sylvie Testu. Vous envoyez ciné au 63-22 et vous avez la réponse directement. Vous envoyez le SMS et vous recevez un SMS en retour qui vous dit vous avez gagné ou vous avez perdu. Pour gagner vos places, vous envoyez ciné au 63-22. C'est 1€ par message. On a aussi des places pour aller faire du wave karting à vous offrir. On a encore 2 places à vous offrir d'ici 20h. Le wave karting, c'est une activité exceptionnelle qu'on vous propose. C'est même une journée exceptionnelle avec les animateurs de Fun Radio Kaufman. Hein. On sera là, on sera tous là, on rigolera sur la mer du Nord, c'est bien ça? La mer du Nord, oui. Ah oui, elle est belle. Et puis on fera du wave karting avant, on prendra un petit déjeuner. Bien sûr. Ça sera une journée fabuleuse qui vous permettra de prolonger un tout petit peu plus vos vacances. Et en plus, si vous n'en avez pas eu, c'est carrément des vacances pour vous. Bien sûr. Voilà, vous dépaysement garanti, les animateurs de fun qui feront le spectacle, le show. On amènera toutes les équipes pour que vous puissiez en profiter un max. Si vous nous écoutez à la radio, eh bien, rencontrez-nous sur un cheval mécanique. Vous en serez. Bah oui, vous en serez ravis. Bah, sauf si c'est toi qui conduit. Bien sûr, exactement. Pour gagner ces places, vous envoyez MER, MER au 63-22, c'est 1€ par message. Il y aura forcément un gagnant d'ici 20h. MER, MER au 63-22, c'est 1€ par message. Là, il est 19h, pile. Fun Radio. Fun. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, salut à tous. On ne s'en est pas forcément rendu compte en Belgique, mais le mois de juillet 2016 a été le plus chaud de l'histoire. En tout cas, depuis qu'ont débuté les relevés il y a 137 ans, c'est également la 15e fois d'affilée qu'un record mensuel de température est battu. Et ça aussi, c'est une grande première. L'année 2016, jusqu'à présent en tout cas, est la plus chaude jamais connue. Et si après ça, il y a encore des climato-sceptiques qui vous diront que les activités humaines n'ont rien à voir dans cette évolution, c'est que les activités en question leur apportent beaucoup de thunes. Les climato-sceptiques, notez qu'il ne doit plus y en avoir des masses en Californie, hein, où une sécheresse sans précédent sévit depuis 5 bonnes années maintenant. Ça commence à faire très long et ça commence aussi à fatiguer sérieusement les pompiers. Ils ne savent plus où donner de la lance d'incendie. Il y a 6 feux importants pour le moment dans cet état, un triste état, le plus ravageur d'entre eux, se propageant à toute vitesse près de Los Angeles. Un incendie a consumé plus de 12 000 hectares en à peine 24 heures et se trouve à présent aux portes de la cité des Anges. Des Anges confrontés aux flammes de l'enfer, mais les changements climatiques se manifestent également par des inondations, comme celles qui ont fait 13 morts en Louisiane, dans le sud des États-Unis. Mais le niveau des eaux commence enfin à baisser et certains habitants ont pu rentrer chez eux histoire de pouvoir constater avant les autres les dégâts occasionnés par les crues. J'évoquais plus avant les climato-sceptiques, mais nous avons aussi les eurosceptiques qui ont le vent en poupe depuis quelques années, hein. Même que certains dirigeants du vieux continent se disent qu'il serait peut-être temps de trouver un souffle nouveau pour les 28, bientôt 27, un projet sexy, susceptible de susciter l'engouement des citoyens, sans quoi le Brexit risque de n'être que la première étape d'un processus de désintégration européenne. Et c'est pour évoquer cette impulsion nouvelle que le Premier ministre italien Matteo Renzi a invité le président français Hollande et la chancelière allemande Merkel à le rejoindre sur une île au large de Naples lundi prochain, 3 semaines avant un sommet européen jugé crucial quant à l'avenir de l'Europe. En cinéma, signalons la disparition à l'âge de 92 ans du réalisateur canadien Arthur Hiller, décédé de cause naturelle, paraît-il, ce qui est nettement plus fréquent que de mourir de cause surnaturelle. Arthur Hiller n'a pas eu la carrière d'un Spielberg ou d'un Scorsese, mais on lui doit un grand classique du cinéma romantique, à savoir Love Story en 1970, un film qui a fait pleurer des dizaines de milliers de personnes. Des femmes assez souvent, hein, et cette remarque n'a rien de sexiste. Enfin, en football, la Super Coupe d'Europe a récemment mis aux prises deux équipes espagnoles. Bah, figurez-vous qu'hier soir, à l'occasion de la Super Coupe d'Espagne, ça a été pareil, comme quoi ils sont vraiment très forts, hein, ces Espagnols. Même que sans surprise, le FC Barcelone, champion en titre, a battu le FC Séville, finaliste de la Coupe du Roi, par 3-0. Cette coupe, c'est le Barça qui l'avait gagnée, mais il ne pouvait évidemment pas jouer contre lui-même. Fun. Fun Radio. Avant le jeu du Blackjack, on fait un point sur la météo. Quel temps pour demain, Carlo ? Demain, les températures seront toujours assez agréables, comprises entre 20 et 24 degrés. La matinée sera toujours placée sous le signe du soleil, mais les nuages feront très vite leur retour, les nuages, et puis surtout les ondées, un petit peu partout sur le territoire. Voilà, tous une excellente soirée, je vous retrouve demain à midi. Je vous laisse en compagnie de David et du son d'Imani. Salut. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Let's go. C'est que du fun entre 17h et 20h sur Fun Radio. A breath, rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my stead, I'm in command. Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. My glow. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Bonne soirée sur Fun Radio. Le son continue avec Cheat Codes. Et on joue au jeu du Blackjack avec Jordan qui est avec nous. Salut Jordan. Salut. Salut Jordan. Ça va bien Jordan? Ça va et vous? Oui, ça va, on est en pleine forme. T'as fait quoi de beau aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'ai passé l'examen pratique de permis de conduire. Ah, et alors? Bah, je l'ai eu du premier coup. Oh, bravo, bravo. Félicitations. Coup de chance, coup de chance. Coup de chance. Ouais, non, t'inquiète pas. Moi j'ai joué la troisième fois, c'est pour ça. Troisième fois toi? Ouais. Non. Ouais. Oh, t'as un bras cassé toi. Ah. Attends, je vais quand on te voit conduire toi, c'est mon compte. Ouais, deuxième fois, tu vois. Ouais. Ouais, t'as payé ou t'as couché? Oui, j'ai payé. Allez, au jeu du Blackjack, je te dévoile des cartes une par une pour dévoiler une carte, t'as qu'à me dire encore. Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, tu gagnes un pack fun. Si tu as 21 piles, tu gagnes un jeu vidéo. Ok Jordan? Impeccable. Allez attention, peut-être le jour de chance aujourd'hui. Première carte, c'est un 7. On continue? Ah oui. Deuxième carte, c'est un 4. 7 plus 4, 11. 11. On continue? Encore. Encore, d'accord. Arrête de dire ça comme ça. Un 2. Donc 11 plus 2, 13. 13. Ça va te porter malheur. Encore? Non, non, on continue. On continue, très bien. Un 5. On a combien là? 18. C'est donc un pack fun pour l'instant que tu as gagné. Est-ce que tu vas tenter le coup de 21 pour gagner le jeu vidéo? Bah ouais, t'as eu le permis aujourd'hui, tout réussi. Non. Allez Jordan. Allez. Bon allez, on va tenter hein. On tente. Oh là là. On tente. Je valide ton choix. Oui oui. Choix validé. Voici la carte, elle est là. Aïe aïe aïe. Je vous la montre. Aïe aïe aïe aïe aïe. Kaufman. Ah c'est pas mal. Pourquoi tu dis que c'est pas mal? Parce que j'aime bien le 8. Oui. Effectivement, c'est un 8. Allez, ça fait 26, c'est beaucoup trop, désolé. Ah, désolé, Jordan. Ah, dommage. Eh oui. Trop gourmand. Trop gourmand, faut pas être trop joueur. Ouais. C'est pas grave, au moins tu peux te consoler en disant que t'as eu le permis. C'est ça. Bon, bah, ouais, voilà. Passe une bonne soirée, Jordan, ok? Merci à vous aussi, salut. Salut, bisous, bisous. Salut. Et fais attention sur la route maintenant que t'as le permis, ok? Allez, fais attention. Dans la suite de l'émission, il y aura le chiffre du jour, Laurence. Oui, alors 1m20, c'est la taille de quelque chose de plutôt insolite. Bah quoi, on verra tout à l'heure. Et on a aussi des places pour aller faire du wave karting. Tout ça, on en parle juste après. Cheat Codes avec Sex, c'est que du fun jusqu'à 20h sur Fun Radio. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. Pour son dance floor avec Jonas Blue. Et on a un magnifique cadeau à vous offrir d'ici 20h. C'est des places pour aller faire du wave karting. Laurence, explique-nous ce que c'est du wave karting. Alors, le wave karting, c'est entre le jet ski et le bateau. C'est un petit truc très très sympa. Et donc, du coup, c'est super génial parce qu'on ira déjà tous ensemble avec les auditeurs. Les animateurs de Fun Radio plus les auditeurs. Ouais. Exactement. Et c'est vraiment pour passer une journée de fou là-bas. Et la sensation sur le bateau, c'est juste incroyable. T'as l'impression de dompter les vagues et tout. C'est génial. On va jusqu'à quand même 50 km/h. Ouais. C'est quand même beaucoup sur la mer. Et donc, voilà. Avis à tous les casse-cou, envoyez mer au 6322, c'est 1€ par message. Mer, M-E-R au 6322, il y a un gagnant d'ici 20h, c'est un magnifique cadeau, un très très beau cadeau qu'on vous offre pour la dernière semaine de ce que du fun. Il y a un gagnant avant 20h, allez-y, envoyez mer, M-E-R au 6322, c'est 1€ par message. Je ne sais pas quoi vous dire, parce que moi j'ai testé, c'est vraiment un cadeau exceptionnel. Ça paraît comme ça, juste une petite balade en bateau, non, là c'est vraiment une journée exceptionnelle qu'on vous propose. Il y a les animateurs de Fun Radio, plus il y a l'activité, hein, Kaufman, c'est bien ça, hein. Ah oui, vous arrivez là-bas, vous rencontrez les animateurs, vous leur parlez, vous rencontrez d'autres auditeurs. C'est une journée exceptionnelle. Envoyez mer par SMS au 6322 pour 1€ par message. Mer, M-E-R au 6322, 1€ par message. Il y a un gagnant d'ici quelques minutes. Le chiffre du jour, Laurence. Alors, 1m20, c'est la taille de quelque chose, mais quoi? La réponse dans un instant. Juste après Jonas Blue sur Fun Radio. Ça fait 2 mois qu'on ne les a plus vus. Ils seront de retour le 22 août. Enfin, s'ils se souviennent de l'adresse de la radio. Allez, tourne à gauche, Fab. Fab, à gauche. À gauche, Fab. Ah, ou en fait, fallait peut-être aller à droite. La Vie Hour sur Fun Radio.

Allez, on continue le son Dance Floor avec Tiësto sur Fun Radio. Dans quelques minutes, le fun game et vos places pour le wave karting. Là, on s'intéresse au chiffre du jour avec Laurence. Alors oui, c'est 1m20. À ce qui, enfin, allez, à votre avis, ouais, ce qui pourrait faire 1m20. 1m20. Passe-partout. Passe-partout. Oui, oui, c'est une bonne réponse, mais c'est pas. Mais c'est pas là. C'est pas ce qu'on cherche, je pense. 1m20, un arbre. On cherche un arbre. Non, pas vraiment. C'est exceptionnel comme truc. Ah oui, quand même. Ah oui, ok, très bien. Je sais pas. Est-ce que c'est la taille de quelque chose? La taille d'un aliment plutôt. Non, pas d'un aliment. Non, non, non. Non, pas d'un aliment. Ok. La taille d'un objet? Non. Non plus. Ok. Dites-nous au 3044, aidez-nous au 3044 pour connaître la bonne réponse, je sais pas du tout moi. Est-ce que c'est la taille d'un membre? Non. Ah, je prenais les mesures, c'est pour ça que j'ai pas répondu directement. Prétentieux celui-ci. La taille de quoi ça peut être? Je sais pas, la taille d'un animal? Oui, d'un être vivant. D'un être exact. Vivant? D'un animal, oui. Animal aussi, ok. Kaufman, qui est généralement petit donc. Qui est pas petit mais qui n'a pas cette taille là. Ok, très bien. Allez-y au 3044 pour nous aider. Un poisson rouge? Non, c'est beaucoup quand même. C'est un gros poisson quand même là, non? Je sais pas. Un animal qu'on voit souvent ou pas? Ouais, c'est un animal domestique. Un domestique? Ouais. Un chat? Ouais, exactement. Un chat? Ouais. Un chat d'un mètre 20? C'est une chatte. Ah, une chatte d'un mètre 20? Ouais, en plus. Ah, c'est beaucoup quand même, 1m20. Ouais, elle s'appelle Samson et en fait, c'est la nouvelle star de New York parce que voilà, elle mesure 1m20 et elle pèse 12,5 kg. Oh la vache, un beau bébé. C'est presque un enfant, ouais, c'est ça. Et donc, en fait, c'est les chats de cette race, donc c'est les Maine Coon qui sont en fait toujours exceptionnellement grands, mais là, c'est vraiment abusé. Et donc, du coup, bah, elle a été. Elle a décroché en fait le titre du chat du plus grand de New York. Ah, ouais, carrément. Et elle est en lice pour être le plus chat le plus grand du monde. Ah, bah oui, 1m20, je pense que j'ai jamais vu. Et Kaufman, est-ce que t'as déjà vu une chatte d'1m20 toi? Moi, ça m'est arrivé. Ok, raconte pas tout alors. Pour la suite, ça se passe avec le Fun Game. Kaufman, on va parler de quoi? On parlera de Football Manager 2017. On a des informations à vous communiquer. Et puis, on a encore des cadeaux à vous filer. Avant 20h, voici Tiësto et Summer Night. C'est que du fun jusqu'à 20h sur Fun Radio. Welcome. I see you in my head. You ain't like the rest. You ain't bringing me down, baby. You're right next to me. We're making history. The sun's about to go down, baby. Getting high like the first time. You and I, make it last forever. vous propose Madcon et Willy William pour la suite du son Dance Floor sur Fun Radio. Am I supposed to keep my cool? Bap, bap. Et la réaction de Laurence et Kaufman, mais il l'a dit, hop hop hop, dans la musique, oui effectivement, allez, Fun Game avec Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Oh mon dieu Kaufman, oh quelle oui. nouvelle tu vas m'annoncer. Bah tu sais que dans le foot sur console, il y a deux grandes tendances qui s'affrontent. Oui. Des jeux qui te mettent dans la peau des joueurs sur le terrain, à savoir FIFA ou PES, ouais. qui te permettent de faire évoluer ton équipe dans différents championnats nationaux et internationaux. Et puis t'as Football Manager qui a pris le parti plutôt de jouer sur la carte de la simulation sportive à base de données gigantesque. Ah ouais, c'est énorme, hein. Le jeu est vraiment très très réel en plus. Là, il y a tous les joueurs de tous les pays, quoi. Voilà, vous prenez la tête d'une équipe, ouais. que vous allez gérer de A à Z, tant sportivement que financièrement. Et la bonne nouvelle, c'est que le prochain opus, à savoir Football Manager 2017, eh bien, sortira comme ça le 4 novembre prochain sur PC. Sega l'a dévoilé hier, on n'en sait pas encore beaucoup plus sur ce prochain épisode. Sauf que, ah. il prendra les recettes des précédents, oui. à savoir que eh bien, vous gérez toujours encore et toujours votre équipe. Ouais. Moi, je dirais, si je devais pronostiquer les nouveautés, qu'à mon avis, ils vont se mettre à faire un peu plus pousser les entraînements, ce côté-là de préparation physique et mentale. À mon avis, ça sera probablement encore un peu plus poussé dans l'avenir, parce que pour le reste des aspects, le jeu est assez complet. Il est très réel, le jeu. On peut parler à la presse, on peut parler aux joueurs, ça, depuis 2-3 ans, on peut parler à la presse et aux joueurs, je crois, Hoffman. Oui, mais toi, le problème, c'est que tu prends la parole dans ton salon. Aujourd'hui, le match a été bon, on a pris les 3 points. C'est le plus important. Dans 3 jours, on a un match. Tes voisins nous ont appelé. Peut-être qu'ils en ont marre de ta conférence de presse le soir à 7h quand tu rentres. C'est pas possible, ils en peuvent plus. Donc la date, c'est bien le 4 novembre. 4 novembre, et ça sortira sur PC Football Manager 2017. Oui. Parfait, là, on a des places à vous offrir pour aller faire du wave karting, Kaufman. Oui, cette fois-ci, on va parler de sport et de sport extrême. Vous avez envie de passer la journée à Zeebrugge avec nous, vous envoyez MER, MER au 6322. Voici Madcon. Madcon, keep my cool. You know I've been around the world. Yeah. But nothing can beat the feel of you putting that thing to work. Like a 9 to 5. You got them sun kissed eyes. Girl, you hotter than July. To keep my cool, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Ça me rend fou. Et je suis censé rester cool, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Ça me rend fou. Et je suis censé rester cool, et je suis censé rester cool. Comment veux-tu que je garde le contrôle si tu viens me tester? Tu es tout le temps en train de faire en sorte que je pète un plomb et tu le sais, tu le fais exprès. Je fais des efforts et toi t'es pas content. Je prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le style. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Mais quand je te vois, je suis censé rester cool. Ma belle, t'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé, toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe, but keep it low key. I said, don't worry, the drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Yeah, blown off the beat. Repeat to myself, keep calling. Dans quelques minutes, c'est Enrique Iglesias qui arrive sur Fun Radio. Moins de 5 minutes pour gagner vos places pour aller faire du wave karting. C'est un mélange entre du bateau et du jet ski. On vous propose une journée exceptionnelle avec les animateurs de Fun Radio. Pour gagner ces places, vous envoyez MER, M-E-R au 63-22. Je sais même plus quoi dire, Kaufman et Laurence, pour donner, je sais pas, envie, parce que c'est un super cadeau, c'est un magnifique cadeau vraiment qu'on vous propose. Que dire de plus, Kaufman ou Laurence, allez-y. Bah, moi, je pense que d'abord, avant toute chose, ouais, vous nous écoutez là tranquillement chez vous. Vous avez envie de passer une journée sympa, mais vous avez envie de voir, parce que forcément, on peut vous en parler encore des heures. Oui. Vous allez sur le Facebook de Fun Radio, histoire déjà de mater la vidéo qu'on a pu vous faire pendant qu'on a testé ça. Ouais. Vous allez voir que certains sont très à l'aise, d'autres sont peu rassurés. Dis pas ça. Et puis, enfin, les derniers sont malades, bien que ceux qui étaient peu rassurés pouvaient être malades aussi. J'ai les deux. Effectivement, je combine les Ensuite, deux. Une fois que vous auriez vu ça, moi, je vous dis, vous allez craquer. Bien et, sûr. Et ça sera peut-être trop tard. Ouais. Donc, il faut jouer avec nous. C'est la dernière ligne droite. Dans moins de 5 minutes maintenant, on connaîtra le prochain gagnant pour emmener. En plus, il pourra amener la personne de son choix. C'est deux places, c'est ça. Ouais, hein, c'est deux places qu'on a à vous offrir avant 20h. C'est le moment, c'est l'instant. Vous envoyez MER, MER 63-22. Le wave karting, c'est une discipline qu'on entend peu, c'est vrai. Ouais. Dont on essaye de parler depuis le début de la semaine. Alors, forcément, on aurait peut-être un petit peu, beaucoup, la même chose. Mais d'un autre côté, on va pas non plus vous raconter n'importe quoi. C'est une journée vraiment exceptionnelle qu'on a à vous offrir à Zeebrugge. Une journée pendant laquelle vous allez rencontrer les animateurs, les auditeurs de Fun Radio. On boira un coup ensemble. On s'éclatera sur les wave karting. On s'amusera bien. Ouais, on parlera avec tout le monde. On ira avec les moniteurs aussi. Bref, on ira s'éclater sur les vagues et à condition qu'il fasse beau, eh ben, vous prendrez du très très bon temps à Zeebrugge. C'est pas très très loin où vous habitiez. Hein. La Belgique est tellement pas grande que forcément tout est à côté de la porte. Envoyez-nous MER au 63-22. C'est 1€ par message. On vous souhaite encore et une dernière fois pour ce soir, bonne chance. Ouais, MER, MER au 63-22. 1€ par message. Envoyez vraiment MER, MER au 63-22. C'est un magnifique cadeau. Croyez-moi, c'est un des très beaux cadeaux qu'on vous offre depuis le début de cet été. Donc allez-y, MER, MER au 63-22. Un gagnant juste après Enrique Iglesias. Ah si! Merci, sur Fun Radio. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. Chez Cora, les petits prix ne sont jamais en vacances. Et surtout pas avant la rentrée. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Fun Radio. Le son. Dance Floor. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls' shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad souls, darling. Oh.

safe distance from receiver and speakers is strongly